Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Kultan Geek. Et merci d'être avec nous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Kulten Geek, l'émission numéro 2 de la saison 4. L'équipe, cette semaine, elle est présente pour l'ouverture de la saison 4. Elle s'est démarquée par ses changements de place incessants pendant les lives et surtout par le fait qu'elle était coupée par la caméra. C'est bien sûr Maïlys. Bonjour Maïlys. J'ai pas bougé de place. Ah si, t'as changé de place souvent. Non, c'est pas Yacine, n'importe quoi, c'est Gigi. Non, même pas là. Je t'assure que tu as changé de place plus d'une fois. À ses côtés, il y a non pas Renata, qui est toujours absente, mais bien sûr un autre homme qui n'était pas présent pendant la première édition. Il a pris des vacances d'enregistrement depuis avril dernier, mais tel un drogué, il lui faut sa dose hebdomadaire d'émission. C'est bien sûr Yacine. Salut. Bon retour Yacine. Merci. Le micro m'avait manqué. On veut pas savoir pour quelle raison. Et enfin, on termine par celui qui est parti, qui a profité de la Martinique tout l'été, celui qui a créé des moments gênants absolus pendant que vous étiez en ranked. C'est bien sûr J-Wolf. Pardon, comment ça des moments gênants? Non, bonjour. Bonjour J-Wolf. Allez, on est parti, top départ de l'heure. Au programme, le What the Fuck, bien sûr, de Maïlys, le retour. Le top ou flop, le qu'est que c'est, l'actu web de J-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe. Le retour, première polémique, sur l'actu de cet été qui fut très chargé. Et bien sûr, il y aura le vrai ou faux. Et tout de suite, on va commencer l'heure avec l'actu des réseaux sociaux et l'information nippone. Oui, bah, c'est la reprise. Il n'y a pas de nippone là, il n'y a pas de nippone. Non, mais c'est pour ça que j'allais dire, il y aura l'actu nippone seulement si Renata arrive à l'heure à la fin de cette émission. Je peux le faire. Alors. Voilà pourquoi. En tout cas, on ne sait pas ce qui peut se passer. En plus, on est en live sur Twitch actuellement. Vous pouvez profiter de voir nos chers chroniqueurs et l'équipe. Allez, on commence tout de suite avec l'info des réseaux sociaux. Oui. Et dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine sur Twitter, un nouveau tribunal s'est ouvert pour juger deux youtubeuses affirmant ne pas aimer Seb Lafrite. Les fans du vidéaste ont alors harcelé ces demoiselles. Donald Trump lui attend toujours sa propre horde de fanatiques prêts à défendre ses idées. Sur Facebook, le clown ça tourne mal, en boucle dans les mèmes. Et avec autant d'images, on aura presque vu le film en entier avant de prendre sa place au cinéma. Sur Instagram, avec la sortie de WoW Classic, les dessins et cosplay de Warcraft pullulent. Aussi, au nom de ceux n'ayant pas envie de jouer 15 heures pour atteindre le niveau 2. Nous vous remercions de garder votre nostalgie et votre skill dans votre coin. On vous fait pas chier avec notre noobisme. Et enfin, nous prenons des nouvelles de Norbert, cet addict de Google+, terrassé par la fermeture de son réseau social favori, a enfin migré. Il est désormais sur LinkedIn et n'a aucune relation. N'hésitez donc pas à l'ajouter, il cherche actuellement un emploi chez Copain d'Avant. L'info sociale, ça s'arrête ici. On termine avec cette citation. Pour éviter d'être de mauvais poils, il suffit simplement d'être épilé. Kulten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas. Le vrai ou faux dans Kulten Geek. Et on démarre bien sûr avec le premier jeu, c'est le vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Oui, pas du tout. Moi, je suis chaud comme la braise. On sent encore à l'épilation. Ça fait trop longtemps. Allez, je rappelle juste les règles. Vrai ou faux, j'ai des affirmations, il faut simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Voilà, tout est dans le nom. Alors vrai, non ça c'était vrai pardon. Vrai ou faux, l'année dernière, l'armée américaine testait le contrôle des périscopes des sous-marins avec des manettes de Xbox. Putain, non. Il est allé chercher loin hein. Très très loin, très vrai. Loin. Ouais, elle est vraie. Vrai. C'était pas des manettes de Xbox, c'était de la PS. Moi, je suis sûr que ça va être un truc comme ça. c'est possible. Donc vrai pour J-Wolf et pour Yacine. Ouais. Faux au cas où ce soit pas les bonnes manettes. Et faux pour Maïlys. Eh bien, c'était totalement vrai. Merde. Voilà. Sachez-le, Microsoft est partout. Bah, vrai. Ça me paraît logique. C'est une firme américaine, ils vont pas se casser le cul à utiliser des manettes de Play. Oui, c'est pas faux. Ouais. Vrai ou faux, parmi les accessoires de Game Boy, il y en avait un qui servait aux pêcheurs. Vrai. Vrai pour Yacine ? Attends, j'ai pas compris. Vrai ou faux, parmi tous les accessoires de la Game Boy, il y en avait un qui servait aux pêcheurs. Genre pour jouer, il y avait un accessoire pêcheur, comme les Wii Non, non, il y avait un accessoire pêcheur, mais pour pêcher. Pour pécho. Vrai, pour la déconne ? Vrai. Mais genre, il est tombé dans les oubliettes. Mais Gigi, il a pas répondu. Oui, hein. Ouais, moi, je vais dire faux. Faux pour J-Wolf, vrai pour Yacine et Maïlys. Et ben, c'est totalement vrai. Oui, il s'agit du Game Boy Pocket Sonar et non, ça permettait de localiser les poissons jusqu'à 20 mètres sous l'eau. Voilà. Et il y avait un jeu vidéo qui était fourni avec. C'est ça. Mais ça servait surtout à localiser les poissons. Vrai ou faux, la prison d'Alcatraz dans la réalité a la même réputation que dans les films hollywoodiens. Impénétrable, là. impénétrable, horrible, etc., etc. Vrai, vrai, vrai. Oui. Bah, vrai. C'est ce qu'on pense tous. Eh bien, c'est totalement faux. Puisque les prisonniers voulaient même y aller, puisqu'elle était réputée pour avoir une cuisine de qualité et qu'elle était confortable. Voilà. God damn. C'est totalement l'inverse on de a la eu des vidéos. Il y a eu des documentaires sur... Eh ben oui, mais c'est faux. Voilà, sachez-le. Ah ouais, les où tu prends tes sources. D'accord. Je sens critique. Vrai ou faux, la série Black Mirror s'appelle ainsi car les futurs et autres univers présentés dans l'épisode sont des versions noires de l'humanité. Ça me paraît okay. Logique, ouais, vrai, allez. Eh bien, c'est... Non, attends. Faux, j'ai pas répondu. Non, non, il a dit vrai, il a dit non, vrai. Non, j'ai dit faux. Eh bien, c'est totalement faux. Puisqu'en fait, ça s'appelle comme pas. Ça, parce que quand une caméra est éteinte, ça fait comme un miroir noir. Voilà. Et comme on est d'accord. En live sur Twitch, il y a Geeks TV qui nous dit « Hey, salut à toi, bienvenue sur hello. Le live. » Hello. Yo, yo, yo. Et on termine avec le vrai ou faux des réseaux sociaux. Il existe le job coordinateur d'intimité qui fait en sorte que toutes les scènes de sexe dans les films se déroulent sans souci. Vrai. Vrai, d'accord, le mec... Genre, alors... il pense au Viagra. Pourquoi il a été aussi enthousiaste? Il y a comment qu'il pose la question. Je me suis dit que c'était possible. C'était ouais, moi aussi, je pense que c'est possible quand même. Vas-y, je vais dire vrai. En fait, j'ai dit vrai à tous les trucs depuis... Moi, j'ai un slogan, c'est dire vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Est-ce que tu as bugué, du coup ? Internet est vrai. Internet ne mange jamais. C'est ça. Eh bien, la réponse à cette question, ça arrivera, bien sûr, la semaine prochaine. En attendant, ce sera sur le Facebook. Vous pourrez voter pour vrai ou pour faux. Et c'est puis... l'année dernière, on y avait répondu ? De l'année dernière ? Ouais, de la saison dernière. Oui, oui. On a répondu à toutes les questions, Maïs. Et ne fais pas travailler notre mémoire comme ça, c'est dangereux. En plus, il est midi, on n'a pas mangé ça encore. Ça va claquer. Donc, exactement. Allez, en attendant d'avoir la réponse à cette question, on passe tout de suite à la polémique de l'équipe. Certains disent que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Pouf souffle. D'autres que Stargate dépasse Star Wars. On va les couilles, frère. Je ne suis qu'amour. Pas pour Cult & Geek, c'est la polémique de l'équipe. La polémique de l'équipe, et on sait bien sûr le sujet débat de la semaine dans notre émission. Et on va revenir sur ce qui s'est passé un petit peu cet été. Et il s'en est passé des choses. Ninja qui passe sur Mixer. Oui aussi, les séries Star Wars annoncées. La Switch Lite était-elle le produit indispensable pour Nintendo? On en parle tout de suite. Qui veut commencer et sur quel sujet? Je veux juste dire que je suis triste parce que j'ai oublié mes feuilles. Oh bah ça, c'est pas de chance. En vrai, je suis chaud pour commencer sur la Switch Lite. Switch Lite, allez. Parce que genre Ninja, je m'en bats les couilles. Tu m'en bats les couilles, frère. Bon, les couilles, frère. Très bien. C'est vas-y. Dans le jingle de, du Moria City. Ouais, non, mais moi, c'était sur l'annonce de la Switch Lite qui m'a fait un peu réfléchir. Il y avait beaucoup, en fait, beaucoup d'amis à moi m'ont dit, ouais, c'est complètement inutile de sortir ça. Dont toi, Rémi, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Et pour moi, en fait, c'est simplement la succession de tout ce qui était Nintendo DS, Game Boy, etc. C'est-à-dire qu'au final, ils ont sorti la Switch, qui est censée être la suite de la Wii U, qui est une console de salon, mais qu'on peut aussi transporter. Sauf qui a été que... ratée. La Wii U ? La Wii U. Oui, oui, oui, ça, je suis d'accord. Mais ça fait un moment qu'ils nous ont pas sorti de nouvelles DS, de vraies DS, parce que la 2DS, la 3DS XL, c'est quasiment la même chose. C'est juste qu'il y en a une qui a de la 3D et l'autre qui a pas de 3D. Sinon, mais aucune différence. La Switch faisait déjà office de DS. Parce qu'en soi, c'était pensé comme une console de salon. T'avais la possibilité de la transporter. Il y a les deux. Mais oui, c'est une console 2 en 1. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais l'idée principale de sortir la Switch, c'est quand même dans la continuité des consoles de salon de Nintendo. Même si elle a le côté transportable, pour profiter pleinement de ta Switch, c'est mieux d'être branché sur ta télé et de pas utiliser la batterie pour pouvoir jouer de manière illimitée. Qui est à peu près de 3 heures voilà. En général. Entre 3 et 5 heures pour les premières versions. Et entre 4 et 7 heures pour la dernière version. Et la nouvelle, c'est 2,5 et 6,5. De pour la Lite ? Oui. D'accord. Alors, et l'écran est plus petit. Franchement, la Switch était vendue comme une salon, comme une salon. Non, pas du tout. Comme une console qui était justement, on pouvait la mettre en console de salon, en console portable. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à sortir la Switch Lite à part avoir un truc un petit peu plus petit et parfois un peu plus casse-gueule parce mais... que si, les si, manettes si, de Switch elles sont toutes petites. J'ai vu le prix hier au magasin. Ouais. Elle dépasse pas les 200 euros. Ça, c'est sûr qu'elle va pas dépasser les 200 euros. La preuve que c'est pour moi une continuité des consoles DS. Bah, c'est non, un peu le concept. La Switch de... était elle-même le concept. Même. En plus, il y a des rumeurs comme quoi il sortirait une Switch spécialement salon. Mais parce que... c'est un petit peu décliné tout ce que fait déjà la Switch, donc autant ne pas se faire chier et garder la Switch tout court. Bah après, parce enfin, elle, la au Switch. Final, si on regarde le prix, elle fait 320 euros la Switch. C'est le prix moins, du console de salon. Tu peux l'avoir moins cher. Tu peux l'avoir pour 290. Oui, en plus, maintenant, oui, tu peux l'avoir. Ouais, c'est comme une PS4 au final. Quand tu regardes une PS4 Slim, pareil, tu peux en avoir pour 280-250 euros. La PS4 si tu... elle vaut quand même 400 euros. Ah non, non, la PS4 Pro vaut 400 euros. La PS4 Slim, aujourd'hui, tu peux la trouver à 275 euros avec les offres. Est-ce que t'es dégoûté parce que c'est celle que tu as? Donc oui, la PS4 Slim n'a jamais été à 400 balles. Et là où je veux en venir, par exemple, quand on regarde les prix, si la prochaine Switch Lite est à 200 euros, alors que la Switch aujourd'hui est commercialisée à 300 euros, c'est quand même en rapport avec le prix, est quand même en rapport avec la fonctionnalité. Donc tu en auras une qui sera plus destinée salon, les manettes détachables qui te permettent de jouer à plusieurs comme sur une console de salon classique. La nouvelle aussi le fait ça. Tu peux ajouter les anciennes manettes la Lite, sur, ouais, sur peux, la Lite. Ouais. J'avais vu qu'elles n'étaient pas détachables. Non, elles les sont, manettes pas sont pas détachables, mais tu peux en connecter. Mettre de nouvelles. Oui, ok. Mais là, encore une fois, quand tu regardes que le fait que les manettes ne soient pas détachables et que tu as un écran plus petit, va quand même partir sur un côté plus solo où tu vas jouer en réseau avec tes potes qui eux-mêmes disposent d'une Switch ou d'une Switch Lite. C'est une Wii U en fait. Avec les anciennes manettes de la Wii. C'est une Wii U. Connaissant le succès de la Wii U, est-ce que c'était forcément la bonne idée de sortir une Switch Lite? Non mais ils tiennent au projet. Ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent simplement une console transportable et pas se casser la tête avec un socle, avec des manettes détachables, avec tout le tralala qui va avec la Switch classique. Elle est très bien la Switch classique. Moi je vais pas mentir, quand ils ont annoncé justement une nouvelle console, je m'attendais à quelque chose de une Switch 2.0, quelque chose de plus performant, avec plus d'autonomie. À la PS4 Pro. Ouais. Alors que là, là moins de fonctionnalités, l'autonomie est à peu près pareille et elle est plus petite donc. Ouais, c'est vrai que si l'autonomie n'est pas améliorée, il n'y a aucun intérêt en fait. Mais c'est un petit peu le problème de Nintendo, c'est qu'ils sortent plein d'accessoires, notamment quand ils avaient sorti Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, y avait la petite Pokéball. En mode Pokémon Go, tu l'as trimballé avec que toi. Que tout le monde détestait. Au final, ça sert à rien et ça coûte cher. Donc, c'est un problème chez Nintendo. Je pense qu'ils font plein de choses qui coûtent très cher et qui servent pas forcément. Et la et Switch Lite n'a pas plus d'autonomie et les capacités pour les jeux sont presque un petit peu moindres. Attends, vous avez remarqué que sur les jeux de Nintendo, il n'y en a aucun qui baisse de prix. Genre, il sort à 60 euros, il reste à 60 euros toute sa vie. Ouais, en général, ouais. J'ai jamais capté à part en occasion de console Nintendo à part en soi. En occasion, c'est vrai que les jeux Nintendo ne bougent pas du prix. Et ça, c'est un problème. C'est eux-mêmes qui éditent c'est pas une erreur pour qui eux. Développent leurs jeux. Ouais, donc c'est pour ça. Mais Nintendo, vraiment, c'est la seule entreprise, je pense, qui a la possibilité de se casser la gueule autant de fois qu'ils le veulent. Et remonter facile. Les mecs, ils ont assez de thunes pour ne rien sortir pendant 50 piges et toujours faire du bénéfice en soi, tu vois. Oui, en même temps. Ils ont des licences solides, hein. Mario, Twitch, les amis. Geeks, merci pour le follow. Et la Geek en Rose qui host le live actuellement. Merci. Thank you very much. It's very beautiful from you. Merci beaucoup. On revient sur le sujet de la Nintendo Switch. Nintendo, voilà. Donc, pour moi, la Lite n'a pas d'intérêt. J'ai lu quelques tests là rapidement avant l'émission. Moins d'autonomie, les trucs pas forcément détachables. Elle est moins épaisse aussi. Ce qui peut être. Pas grand-chose. Si vous avez de gros doigts, c'est con pour vous. Plus c'est épais, mieux c'est. De toute manière, tout le monde le sait. Bien sûr, exactement. On n'a qu'à voir les manettes de Microsoft. Hein. C'est ça. Les manettes Xbox classiques. Il me semble qu'on ne peut plus jouer en ligne avec. Exact. Il y a plein de choses comme ça qui ont été retirées. En gros, t'as juste des jeux de base. On peut jouer en ligne. Mais il y a rétrocession. Mais il faut connexion. Il faut connexion à Internet déjà. Mais les jeux, par exemple. Les jeux, non, mais ce que je voulais dire, c'était que les jeux que tu télécharges sur Nintendo Shop, tu ne peux pas y jouer hors ligne. Il faut que tu sois connecté à d'accord, Internet si oui. c'est pas ta console principale. Non mais donc c'est logique. Donc il faut que tu fasses un Switch comme c'est bien trouvé. Ça c'est tout à fait logique, c'est comme sur la PS4, tu ne peux pas non plus télécharger un jeu et y jouer en étant hors ligne si c'est pas ta console principale. Oui, mais voilà. Oui, ça paraît logique. C'est juste pour éviter que ton tu intervention puisses passer est tes jeux. Si, parce que tu as en plus accès à moins de jeux, étant oui, donné que tu voilà. ne peux jouer qu'à ceux qui sont en compatibilité portable. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc qui me perturbe là. Oui, il y a une lumière, mais c'est pas pour nous. Quel est le problème? C'est un incendie? Non, tout va bien. On sonne nos portails, mais c'est pas pour nous. Voilà. Ah, ouais, les couilles, restez dehors. Okay. Exactement. Non, c'est vous que vous ne voyez pas à l'écran. Je regarde, non, vous voyez pas. Il y a une petite lumière bleue qui clignote en haut. Voilà. Pour ceux genre qui sont alarme. Sur le live. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça. C'est bien pensé quand même. Alors, J-Wolf, dis-nous, est-ce que tu te fais chier? Ah non, pas du tout. Non, il passe ses yeux. Je m'occupe des réseaux sociaux, donc c'est pour ça que j'ai les yeux baissés. Cet homme multitâche, c'est incroyable. Exactement. La Geek en Rose qui nous écoute pendant propre, qu'elle écrit hein. sur son blog d'ailleurs, qu'on salue. La Geek en Rose, et vous êtes 5 téléspectateurs. Waouh, merci. Putain, c'est ouf. Exactement. Allez, on va passer sur d'autres infos. Ninja c'était qui passe sur Mixer ou les séries Star Wars annoncées? En fait, on va laisser Ninja à la fin. Ouais, on va laisser Ninja à la fin. Mais t'as pas parlé de Star Wars, j'ai rien prévu. Ouais, sur le SMS que j'ai envoyé, je sais, j'en ai pas parlé, mais c'est pourquoi tu préviens pas, connard ? Aucune idée. Bon, alors, pour vous annoncer, en gros, il y a eu l'annonce déjà d'une prochaine trilogie qui sera faite par celui qui a réalisé Star Wars 8. Je ne sais, Rian Johnson, je crois qu'il s'appelle, celui qui a fait Jurassic World notamment. Et il y a aussi deux nouvelles séries Star Wars qui vont arriver sur Disney+, donc la plateforme de VOD de Disney. C'est une série Kenobi et une série The Mandalorian qui arrive dès novembre. Voilà. Donc il y aura du Star Wars à bouffer pendant au moins 15 ans à venir. De quoi bien pomper la licence, quoi. Exactement. Et sur la plateforme Disney+, donc ce qui vont forcément leur rapporter gros. Et Netflix, il va perdre des abonnés. En Netflix Europe, on n'a jamais eu les Star Wars, donc ça va rien changer. Si, il y en avait eu. Il y a toujours Star Wars Rebels et Star Clone Wars sur Netflix. Oui, mais on n'a jamais eu les films par rapport à Netflix US qui, eux, ont les Star Wars. Juste parenthèse, initialement c'était censé être Harry Potter. Oui, oui. Et ben j'ai démenti ton truc en moins de 5 minutes. C'est pour en ça moins qu'il n'y a pas Harry Potter. En fait, il a capté qu'elle avait démenti et automatiquement il a changé le thème de Harry Potter à Star Wars. Alors, Renata qui vient d'arriver, qui ne sait pas dans quelle pièce arriver. Je lui ai fait un signe de tête, mais elle n'a pas compris. En plus, elle nous entend pas, c'est horrible. Bon, on va terminer rapidement avec Ninja qui passe sur Mixer, qui a quitté Twitch. Alors, déjà, qui connaissait Ninja ? Moi. Pas moi. Non. Je connaissais même pas Mixer. Tu connaissais. Je suis d'accord. C'est le japonais là. T'es débarqué comme ça. Mixer, comme en fait, en général, c'est quand t'es dans ta cuisine. Oui, c'est un truc. Et tu veux faire de la soupe, par exemple, tu branches ton mixeur. Voilà. Ah, je crois qu'il est cassé ton micro, t'as pas de chance, tiens. C'est pas grave. Renata qui vient de s'installer. Bonjour Renata. Bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir. Est-ce que tu entends bien? Oui, parfaitement, c'est super. On fait avec les moyens du bord et c'est pas grave. C'est les joies du live. Du coup, D-Wolf, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement cette histoire Harry Potter ou de Mixer? De Ninja. D'accord. Alors, c'est très simple. Ninja, il streamait sur Twitch et puis je pense que Mixer lui a dit hey, tu veux un gros chèque? Il a dit oui et il est passé sur Mixer. 500 000, voilà. Je crois. Presque ce qu'il avait touché pour faire du Apex aussi. Il avait touché 1 million. Oui, 1 million, pardon. Mais 500 000, c'est ce qu'il reçoit par mois en fait sur Twitch. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi. Ouais, mais il les mérite quand même peu cher. Il paraît qu'il serait jusqu'à 20 heures au maximum et au meilleur de sa forme de live par jour. 20 heures ouais. Attends, il fait 20 heures par jour. J'ai lu du 20 heures au meilleur de sa forme. Et sinon, c'est il plutôt dort 4 heures. En 4 non, heures, là, il dort, il mange. Ah, mais il a pas accès tous les jours. Non, mais je veux bien que les streamers et même les gamers qu'on passe beaucoup de temps sur le game. Mais bon. Vous ne connaissez pas Sardoche, vous. Lui, c'est 36 heures. Non, voilà. Lui, c'est 40. Il n'y a personne qui regarde. Ah si. Mais du coup, je suis d'accord. Enfin, j'ai cherché Mixer parce que moi aussi, je connaissais pas comme Maëlys jusqu'à ce que j'entende parler de la polémique là. Et en fait, tu tapes Mixer, t'as Mixer et t'as Ninja direct en dessous. C'est les deux seuls liens qu'il y a par rapport à Mixer. Moi, j'avais des appareils. C'est la tête d'affiche. Ils ont fait ça pour lancer la plateforme. À mon avis, ouais, c'est ça. C'est vraiment un gros coup de pub. Mais on parie combien que d'ici un mois, le mec il va repasser sur Twitch. Non, il est en contrat pour un an, je crois. Mais c'est comme PewDiePie qui est passé sur DLive pour lancer la plateforme aussi. Ouais, mais ça c'est passé. Les chiffres qui ont été remarqués, c'est quand Ninja ne stream pas, Mixer perd 20% de son audience. Que 20%? Ouais. Non, mais ils occupent que 4% du marché. Hein. Non, mais. C'est déjà énorme. C'est énorme. Ouais, mais vu que. Le mec occupe 20% de l'audience d'une plateforme de stream quand même. Donc c'est totalement dingue. Bah, vu que c'est une nouvelle plateforme, je trouve que. Ouais, enfin, Microsoft a quand même assez de thunes pour lancer une plateforme, je pense. Elle va pas marcher. Twitch est trop installé. C'est possible. On ne sait pas. Tout cas, du côté français, Twitch est bien installé. Et un c'est peu vrai trop, que pour peut-être. Mixer, il y a très peu de Français qui y sont. Mm. Et pour cause, il n'y a pas beaucoup de monde, en fait. Mais peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé d'influenceur francophone à mettre sur la plateforme. Peut-être. Après... C'est qui le plus gros gamer, on va dire, francophone? Squeezie, ouais. Non, mais Gotaga. Après, genre... Ouais, alors, j'adore regarder les let's play, les trucs comme ça de Squeezie, mais si tu veux, c'est pas quelqu'un qui se dédie vraiment que... Non, que mais ça, si tu veux dire qui fait le plus de vues par exemple quand il va sur Twitch en français, ce sera Gotaga Squeezie. Ouais. On a Geeks TV qui dit que c'est lui le plus gros. Squeezie, c'est dès beau, qu'il est en live, t'as tout le monde qui quitte les autres chaînes françaises pour aller sur son live à lui. Ouais. Donc même après, si c'est pas marrant, le plus gros gamer, tu vois. Moi j'ai arrêté de regarder ce mec depuis un an, quoi. C'est plus le même contenu qu'avant. Après, quoi. On aime ou on n'aime pas, mais on critique pas parce que non, voilà. Ça marche. Franchement, ça marche. Et puis on aimerait bien que Culten Geek marche autant. Donc, franchement, y a pas à dire. Bon, Squeezie, allez, si tu nous entends, vas-y, fais pas chier. On voit juste 1%. Un petit raid, quoi, ça ferait plaisir. C'est clair, en plus, ça c'est le Z Event. La Geek en Rose qui nous disait Zerator, ouais. Je ne pense pas. Non, Zerator, peut-être pas Zerator. C'est un des non. plus gros, effectivement, ouais. Mais c'est pas le plus gros. Moi, même Gotaga fait plus de chiffres que Zerator. Dwagby, Gotaga, Mikalo, il faisait plus avant, non, Zerator, je trouve. Il fait pas beaucoup. Ouais, sur le lancement de Twitch. Il se fait un peu discret maintenant, ouais. En fait, c'est quelqu'un qui organise maintenant des événements plutôt que de streamer vraiment tous les carrément, jours. Ouais. D'ailleurs, il y a le Z-Event qui est en cours. Oui, et qu'on salue. Ils ont atteint 100 000 euros en une heure hier. Donc c'est franchement pas mal. Pour l'Institut Pasteur. Oui, parce que nous, on aura beau le lancer. On a fait le Culten Geek Event depuis 4 ans. Là, on attend encore les dons. On en est à 3 euros. On est toujours à 0 euros. Hein. C'est qui les a versés, là? Qui est celui de l'équipe qui a versé les 3 euros? C'est moi. Je pense que c'est Rémi. Voilà. Il a trouvé 3 euros par terre. Il s'est dit, vas-y, je vais les mettre dans la cagnotte. C'est ça. Bon, allez, on va clôturer cette polémique ici. Si vous voulez réagir, il y a le live. Et sinon, il y a directement sur les réseaux sociaux, le Twitter et le Facebook. Et puis en attendant, on va faire une première pause en musique avec une musique libre de droit parce que sinon Twitch va nous striker oui et YouTube aussi. Donc voici Ixon All Night dans Culten Geek. Culten Geek, c'était le son d'Ixon avec le titre All Night. C'est un titre libre de droit, voilà, si jamais vous êtes intéressé, c'est trouvable sur YouTube. Et puis on va passer tout de suite, bien sûr, au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Culten Geek. Et les coups de cœur du web, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe sur le net tout cet été, voire cette semaine? Eh bien, réponse tout de suite et on commence avec qui? On va commencer avec Yacine. Je te promets, je l'ai fait comme en cours. J'ai évité le contact visuel. C'est pour ça que je t'ai choisi. Il faut pas faire ça. Cette technique ne marche pas, sachez-le. Éviter le contact visuel avec le prof. Non mais en plus, j'avais totalement zappé le coup de cœur du web. Je me suis dit, on va repartir sur un truc tout neuf et tout. Et au final, coup de cœur du web. Non mais en vrai, le coup de cœur du web que j'ai eu, C'est hier, ça m'a fait rire. Je sais pas si tout le monde se souvient, mais normalement, hier, le 20 septembre, c'était la journée raid sur la zone 51. Oui, décevant. Voilà. Décevant complètement, parce qu'on s'attendait, voilà, les mecs, c'était 2 millions de participations. Vous, tu sais pas quoi dire d'autre ? Non, mais vas-y, parle. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Merde ! Bon bah, au final, je vais pas pouvoir en parler. Ah, parce d'accord. Que okay. Je viens d'apprendre que. C'était le sien. Non, mais non seulement tu prépares pas, mais en plus tu prends celui des autres. Mais... Non, attends. Très bien, merci Yacine. Allez, on passe à quelqu'un d'autre. G-Wolf. Eh bien, moi j'étais tiraillé cette semaine parce que je ne savais pas. Ben, je ne pouvais pas trancher entre Borderlands 3, pardon. Ouais, tu vas y arriver. La série The Boys et l'album de Post Malone. Du coup, ben, ça va être les trois cette semaine. Hein. Non, bah fais-le vite voilà. Alors. Bah, merci. Ah non du mais coup, c'est voilà. Juste ça. C'est bon, ils viennent les c'est présenter. C'est juste ça. Ah d'accord, très bien. très bien. Maëlys. Qui c'est qui a... Oh merde. Oui. Qui c'est qui a pas éteint le son de son téléphone et c'est la seule qui le dit. Très bien. Bonjour ah, Maëlys. C'est pas moi. C'est pas toi. Ah non, je te jure, c'est elle. C'est moi. Je savais qui c'était. Je t'ai dit gentiment pas dire. Moi. Allez Maëlys, ton coup de cœur. Eh ben on va dire que c'est la fête foraine qui a ouvert. La fête Saint-Michel. Bonjour, bienvenue dans Culten Geek, si une émission préparée. Si bien tu veux, je présente un de mes coups de cœur. Ah oui, non, mais j'en ai un autre. Moi aussi j'en ai plein. Ah, donc. Attendez, ne criez pas, tout va bien. Pardon. Vas-y. Ma belle-sœur qui participe, ça a l'air génial. Pour Halloween, ils ont prévu d'ouvrir la maison de Dracula. Et on peut être en immersif complet pendant 4 jours. Ça, c'est immersion, ça a l'air... non ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oh non, mais immersif, immersion, c'est la même chose. Voilà. Ferme ta gueule. Tu es trop dans les détails, monsieur. J'ai un goutte de sueur qui est en train de couler. Maison de Dracula qui se trouve... En Transylvanie. Oui, bien. Merci Facebook. Exactement. Et Renata, ton coup de cœur. Bah écoute, j'en ai plusieurs, donc voilà, parce que les vacances a été long. Donc allez, c'est ça. Parti. Donc c'était donc la version miniature qui a été faite à Anime Japan, donc d'Attaque des Titans. Donc ils ont refait toutes les petites maisons, toutes les petites pierres, les gens qui volent partout. Enfin franchement, c'est super. Impressionnant quand on le voit. Le deuxième, c'est un jeu. Donc, faut déjà que je retrouve le nom du jeu. Voilà, Girls Frontline. Donc, c'est un jeu que j'ai essayé. Et franchement, c'est assez sympa. Genre, t'as plein d'armes qui sont, représentées par des filles. Et du coup, tu les utilises pour te battre et tout. Enfin, dans un monde, franchement, assez complet. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. The fuck. Voilà. D'accord. Non, mais tu regarderas, c'est pas mal. Et la dernière, c'est Darling Army. Donc, c'est un truc que j'ai trouvé sur Facebook. C'est en fait plein de... Comment dire ? De kimono, genre de robe kimono inspiré par exemple de genre des Pokéballs ou inspiré de certains mangas, tu vois, genre Danganronpa et tout. Enfin, franchement, c'est des designs assez sympas. Ok. Bah, là tu vois, tu leur montes, mais on voit rien. C'est une robe un peu large en bas, c'est avec ça, la ceinture Naruto. Et ça, c'est pour la et la version la Pokéball, par exemple. D'accord. Donc voilà, en rouge et blanc. C'est ça. Ah oui, ça y est. Donc il y a énormément de design. La caméra derrière toi. Attends, on va essayer de. Là, tu la vois. Une caméra juste derrière toi. Je savais pas. Ah, mais on est filmé. On est en live sur Twitch. Je pense que ça se voit pas. Ah oui, si, c'est bon, ça se voit. Ça se voit bien. Ouais, voilà. Donc ça, c'est on va dire la tenue Pokéball et tout. Il y en a plein vraiment. C'était super, c'est super joli, je trouve. Putain, la technologie, c'est quand même magnifique. Merci, Anata, du coup, pour ce coup de cœur. Et puis, dernier coup de cœur, bien sûr, c'est le mien. Et au final, moi, j'ai pas eu de coup de cœur. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas pu présenter non plus. On s'en fout. J'allais parler d'un truc, le mec, il me fait mais je m'en parle plus tard. Bah, écoute, il fallait préparer. Hein. Moi, c'est un truc qui s'est passé cet été. C'est les Podcast Awards. Culten Geek a participé pour la première fois. On a décroché la 3e place, donc pour une première participation. Sur 4. Sur le podium. Non, on était 6. T'es pas obligé de nous casser quand même. On était 6, je suis désolé. 3e sur 6, c'est pile au milieu. Voilà. Donc on n'est pas mauvais, mais on n'est pas bon non plus. Tu vois, c'est mauvais podium. Exactement. Et par contre, on a été élu le podcast le plus méconnu par le public. Génial. Ce qui fait toujours plaisir. C'est qui, aucune idée. Mais cependant, cette nomination triste. A quand même un avantage. Ah ouais, c'est que le gagnant de notre catégorie, qui était pop culture, c'est les chroniques Disney qui ont gagné dans notre catégorie. Parce qu'il y avait Disney. Exactement, je pense que c'est juste le nom. Et donc du coup, ils ont dû faire une présentation de Cult & Geek. Alors, je voulais partager avec vous justement l'extrait qu'ils avaient fait. Oh. Allez. Chronique Disney, le podcast. En juillet, nous avons eu le plaisir de participer au Podcast Awards 2019 organisé par Podshow et badgeek.fr. Et nous avons gagné dans la catégorie Pop Culture. Merci à celles et ceux qui ont voté, cela nous fait un immense plaisir. Mais nous ne sommes pas là pour parler de notre podcast, mais pour vous présenter un autre excellent podcast qui a concouru dans la catégorie Pop Culture. Cult & Geek. Il s'agit d'un podcast hebdomadaire, alors déjà chapeau à l'équipe pour tenir le rythme, animé par Rémi, Maëlys, Renata et Jean-Loup, une bande de joyeux drilles qui vivent à Toulouse. Une région assez peu représentée dans le podcast francophone et qu'on est ravis de retrouver ici. Les épisodes font entre 1h et 2h, parfaits pour les longs trajets, et sont consacrés à la pop culture et à la culture geek. C'est-à-dire en vrac, manga, animé, jeux vidéo, cinéma, séries et jeux de plateau. De l'E3 à Détective Pikachu, en passant par Game of Thrones et les comics Marvel, il y en a pour tous les goûts. Ce sont des sujets sur lesquels l'équipe est intarissable et qu'elle aborde de plein de manières différentes au long des épisodes. Dans le Cult & Geek, il y a des actualités, des débats, des critiques, des interviews, de quoi apprendre des choses et découvrir des invités prestigieux comme le créateur du festival Echo et Merveille ou la team e-sport d'Airbus, une entreprise basée à Toulouse. Et ces rubriques sont entrecoupées de jeux. Entre les blind tests et les vrais faux, l'ambiance est très détendue et on apprend des choses parfois un peu what the fuck sur la pop culture. Pour certains jeux d'ailleurs, les réponses ne sont données que dans l'épisode suivant, un moyen plutôt sympa d'accrocher les auditeurs et les auditrices pour l'épisode à venir. Également, ce qui est génial dans ce podcast, ce sont les jingles façon Skyrock ou Energy qui font sourire et qui mettent la patate tout en donnant l'impression d'écouter une véritable radio, mais plutôt dans un esprit geek et décalé. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que Cult & Geek, c'est une radio libre, finalement. Si vous êtes fan de tout ce qui touche à la culture geek, aux jeux vidéo, aux films tirés de ces jeux vidéo, si vous voulez connaître leur avis sur le design de Sonic ou tout simplement vous divertir avec un podcast à l'ambiance détendue et fun, alors Cult & Geek est LE podcast qu'il vous faut suivre. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes dédiées à l'écoute de podcasts, donc iTunes, PodCloud, Podcast Addict, etc. Donc filez y jeter une oreille. Exactement, on est partout, vous ne pouvez pas nous louper. Alors pourquoi ? Un moment, elle a présenté un petit peu l'équipe, elle a dit Rémi, Maëlys, Renata et Jean-Loup, et pas Yacine. Pourquoi ? Tout simplement. Parce qu'elle a utilisé les derniers. Parce que, effectivement, bah ouais. Dans les dernières émissions, Yacine avait pris sa retraite anticipée en avril dernier. Petit vieux, c'est et, ça. Par manque de budget et de pension alimentaire, il n'a malheureusement pas pu rester en retraite. Du coup, il est revenu. Je croyais qu'il était drogué de la radio. Oui, ben on sait pas, en fait, on sait jamais. Donc, d'accord. C'est pour ça que Yacine n'est pas cité. Mais donc, du coup, on remercie Chronique Disney qui nous a fait une très belle mais présentation. Mais franchement, ça fait super plaisir, genre ce qu'ils ont dit. Oui, voilà, ça fait. C'est quand même fait couper la parole 3 fois, j'ai remarqué. Ben ça, c'est peut-être au montage. Donc voilà. Donc Chronique Disney, voilà, si vous êtes intéressé par l'univers de Disney, n'hésitez pas à les follow aussi. Quoi qu'ils n'ont pas besoin de follow. Venez nous follow. Si, elle m'a appelé par mon prénom, ils ont besoin de follow. T'as pas tes surnoms. Bon, tout simplement. J'en ai tellement. Betty Wolf, justement. Ah mince. Le surnom. Les coups de cœur du web, ça s'arrête ici, mais l'actu web, c'est avec toi tout de suite. Du what the fuck jusqu'au so cute, c'est l'actu web dans Cult & Geek. Alors justement, de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, cette semaine, je vais commencer par une grande déception, une très très grande déception. Sûrement. Mais non, ta naissance n'est pas une déception. Calme-toi. C'est une déception sûrement plus grande que cette fois où je draguais cette très jolie blonde et qu'elle, au fil de la discussion, elle m'a appris qu'elle votait extrême droite. Donc. Je croyais que tu parlais de celle que tu as rencontrée. Alors. Juste avant de te réveiller. Elle s'appelait Marion Maréchal d'ailleurs. Non, pas du tout. Mais après, quand elle m'a dit du coup que. Qu'elle voulait un bébé pure race, ça aurait dû me mettre la puce à l'oeil. Moi j'ai cru qu'il parlait de la fille de Mambus. Après, si elle voulait un pure race, tu pouvais lui présenter mon labrador. Comment ça se passe d'ailleurs ? Pardon ? La fille de Mambus ? Avec je sais pas. Notre sorcière bien aimée. Et ouais, elle a répondu. Notre sous-directrice. Si, alors. Elle a répondu lol. Alors, ma grande déception de cette semaine, c'est justement ce rush de la zone 51. Du coup, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai fait un signe. Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas eu lieu, c'est qu'il y a une information qui tournait, on attendait peut-être 3 millions de personnes. Ils sont deux ? 2-3 ouais, voilà. Millions, etc. Mais au final. Non, mais en vrai. Ils étaient pas vraiment nombreux. De toute façon, c'était. Il y en a un qui a réussi à passer, genre dans la télé. Enfin, à la télé, oui, il passait derrière un mec. Il l'a fait la veille. Parce que le jour même, en fait, ils avaient prévu de le faire à 3h du matin. Donc, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont choisi cette heure-là. Puisque tout le monde dort à cette heure-là. Donc, oui. C'est bizarre. Et c'est du coup. 3h du matin, ça fait à peu près 7h du match chez nous. Non, c'était midi. C'était où alors? C'était au... Attends, c'est pas midi, y a pas combien? 6 heures de... Ah ouais, c'est... Mais non, mais c'est dans Nevada, il y a plus d'heures de décalage. Et il y a JP qui vient de nous rejoindre sur le live Twitch. Salut. Hello. Et nous dit yo. Yo. Yo. Yo. Ah bah yo, ouais. Alors, du coup, ce qui devait être l'événement de l'année, que j'attendais depuis des mois, était au final... Ben, aussi impressionnant qu'un pétard mouillé. Moi je voulais voir les Naruto Runners et j'en ai vu aucun. Enfin juste celui qui est passé. Mais il y a plein de gens qui croyaient que c'était vraiment juste de la poudre aux yeux, tu vois, ce truc. Ah ben depuis là, le début, clairement d'ailleurs. Ça a été de la poudre aux yeux. Mais depuis le début en fait. Genre, Dommage. Ouais, mais... enfin, voilà, il y a eu des gens qui ont porté leur couille, qui ont participé, mais ils ont pas forcément forcé l'entrée, on va dire. Ouais. Ben, je comprends que. Prendre une balle, c'est pas rigolo, tu vois. Bah, ils ont quand même mobilisé un tank, hein, ouais. Il y avait un tank devant l'entrée. Ah ouais? Et il y avait un mec qui buvait une bière aussi. Mais l'idée était ouais, simple. Devant la zone 51. Ils buvaient tous. C'était original. C'est parti d'un mime et c'est allé beaucoup trop loin au final. Hein, Mais tu sais que tout ça, c'est parti à cause de Aram B. L'origine, ah oui, oui, l'origine de tout ça, ça remonte à Aram B quand il s'est fait tirer dessus, ça a fait un effet boule de neige pour arriver au raid de la zone 51. Ah, je crois parce que c'est juste des mimes, parce qu'il y en a c'est allé jusqu'à libérons les aliens qui sont emprisonnés. C'est ça, mais ils attendent toujours. Le raid de la zone 51, ça a été vraiment un effet boule de neige d'un même qui est parti il y a 3 ans, quoi. Et c'est ça qu'a donné cet événement. Moi, je voulais mon alien. Toshi Choukou qui vient de nous rejoindre sur le live Twitch et qui dit salut. Salut à toi. Tu voulais un alien perso? Oui, bah, évidemment. Hein, moi, je voulais un animal domestique. T'es sûr que tu voulais pas une alien perso? Je vais enchaîner. Bon. Alors, Z-Event, l'événement qu'on ne présente plus depuis l'année dernière, puisqu'ils avaient atteint le million. C'est un stream caritatif. Le million. Qui d'ailleurs en cours. Et je voulais pas trop m'attarder dessus, mais il y a quand même une information que je dois absolument vous dire. Antoine Daniel a annoncé que si le million d'euros était dépassé sur son stream personnel, il sortirait What the Cut 38. Ou enfin, le mec a quand même dit je vais sortir un What the Cut pour la Coupe du Si la France gagne la Coupe du Monde. Alors, encore. Moi je sais juste que si il atteint 250 000 euros de dons sur son live, il garde l'argent. Il l'a annoncé. Il a dit en live si on atteint 250 000, bah écoutez, je garde l'argent. Donc c'est un extrait que vous pouvez retrouver sur le Twitter du Z-Event qui est très marrant. Bah ouais, il a raison, hein, comme ça il nous sort un bon What the Cut. Puis... Non mais ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est qu'au Z-Event, le joueur du grenier et Antoine Daniel sont côte à côte. Voilà, donc des fois vous pouvez voir l'un sur le live de l'autre et vice versa. Bah après c'est les vieux du YouTube Game Geek, on va dire. Bah oui, c'est les fondateurs. Sommet, Fantasio, JDG et Antoine Daniel. Bah, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où le JDG était classé 3ème chaîne YouTube de France? C'était il y a fort longtemps. Exactement. Du coup, l'Institut Pasteur, c'est très bien, mais si vous voulez vraiment donner votre argent pour une bonne cause, allez donner de l'argent à Antoine Daniel. Voilà, tu lui as cramé l'info en avance. Ensuite, On a Kishi Shoku qui revient sur l'info du raid de la zone 51. Au début, ils étaient 2 millions à vouloir le faire, et au final, il y a eu que 100 qui y sont allés au raid de la zone 51. C'est pas mal quand même. Et personne n'a franchi cette zone. En gros, c'était du vent. Mais en même temps, même le détachement militaire, c'est genre une vingtaine de militaires, hein, ils ont pas détaché plus. C'était les mecs de la garde, quoi. C'est ça. Mais je pense qu'ils s'attendaient à ce que les gens ils le fassent pas, quoi. C'est tout, ils ont fermé les portes à clé, les mecs sont arrivés devant, ils ont dit oh non, c'est fermé. Ils ont littéralement fait ça, ils sont restés devant le portail, ils ont pas dépassé ça. En même temps, ce petit nombre là. 2 millions encore, ça passe, tu vois. Genre, ils les auraient. Le gouvernement américain, il s'en bat les couilles de tuer 100 personnes, tu vois. Ouais. G-Wolf, question de la geek en rose. Oui. Ils ont le droit de tirer à vue en plus, les militaires ou pas? Je pense que oui. Ouais. Si tu franchis. Oui. Non, ils vont pas tirer. Il y aura une sommation. Mais ensuite, évidemment, il y aura une. En fait, si tu franchis la ligne, tu prends une balle. Ouais, en fait. Voilà, ouais. C'est ça. Oui, ils vont éviter quand même. Il y en a déjà eu pas mal par le passé. Des gens qui ont franchi la ligne. Ouais, bon, après, si c'est on les a pas tués, mais on leur a tiré dessus. Si c'est des petits actes isolés, si c'est une personne qui passe là, ils vont l'appréhender et l'arrêter. Et il va finir en prison. Parce qu'il y a eu deux Hollandais qui ont franchi la ligne et qui sont partis faire des vidéos dans la zone. Vraiment, ils ont dépassé la zone. Ils se sont fait arrêter, ils les ont sortis. Il y a eu une plainte qui a été déposée, mais ils leur pas tiré dessus. Oui, non, mais ils sont pas cons. Ils vont pas s'amuser à tirer sur les gens. Il y a une différence entre une personne et. C'est ma chronique, donc je vais enchaîner. Exactement. Vas-y, continue, allez. Alors, Alpha. Mark Zuckerberg, celui qu'on appelle aussi le robot reptilien Illuminati, campe sur ses positions et ne veut pas vendre Instagram ni WhatsApp. Si vous n'aviez pas suivi, il subit des pressions politiques pour céder ces deux applications, sûrement parce que le FBI s'est rendu compte qu'avec Facebook en plus, Mark possède beaucoup trop d'informations dans sa poche. Il sait tout de vous, de votre famille, de vos amis, de vos goûts, de vos envies, de vos croyances et même de vos secrets. Oui. Est-ce vraiment sain de laisser une seule personne posséder toutes vos données personnelles. C'est d'ailleurs, je pense que c'est un débat qu'on devrait ouvrir. Là, d'ailleurs, je vous laisse 5 minutes pour en discuter. Je préfère que ce soit une seule personne que tout un gouvernement. Franchement, Mark Zuckerberg, ouais, il a plus d'infos que la CIA et ah, la NSA réunis. Ouais, mais il sait, comment dire, toutes les informations des personnes composant la FBI et la CIA, donc ouais, c'est ouais. Terrible. Il passe par lui. Mais c'est ouais, génial, c'est pour ça que j'utilise plus WhatsApp et Facebook avec Instagram. Moi je m'en fous. Tu veux qu'il fasse quoi avec mes infos? Elle aime la musique. Wow. Ah bah, de nos jours, les données personnelles, c'est une mine d'or. Hein. C'est ça. S'arrache. Ça. Hein. Exactement. C'est incroyable l'argent que les compagnies se font juste en vendant notre adresse mail. Mais même, c'est pour ça que des fois, tu ouvres ton téléphone, t'as une pub ciblée, tu te dis, mais putain, je fais que penser le truc. Genre, où ça sort ça? J'ai pensé à m'acheter ça et t'as une pub directe qui mais vient. Mais après, ça fait partie un peu de notre quotidien maintenant, malheureusement. Oui, il faut finir avec. Hein. Voilà. Tout n'est que question c'est de temps de cerveau disponible. Tant que les informations ne sont pas utilisées genre à des fins nuisibles, on va dire. Quelle est naïve. Non mais écoute, qu'est-ce que nous on y peut nous. Par contre, on va continuer d'utiliser nos réseaux sociaux, on va rien y faire. Nous, en pauvres petites personnes. Ce qu'on peut faire, c'est demander justement au gouvernement de nous protéger. Mais pour le moment, ils n'ont pas l'air d'être bien chauds là-dessus. Ou alors t'apprends à te protéger tout seul et pas partager tes informations bêtement. Sans prendre un VPN, c'est pas mal. Voilà. Tu t'es trompé. Ouais. T'as dit sortez couverte. Bah oui, sortez couvert. Il faut se protéger. Sortez couvert. Voilà. G-Wolf, c'est oui, tout. Oui, bah non, pas du tout. C'est pas fini. Dernière petite info, ça date un peu. Il va nous parler de NordVPN. Non, calme-toi. Mais je voulais revenir dessus parce que ça m'avait laissé un peu perplexe. Monopoly a sorti une version de son jeu où les hommes sont moins payés que les lave-vaisselles. C'est un scandale. Attends, quoi. Et je m'en vais avant qu'on me frappe. Merci de m'avoir écouté. Juste de quoi tu peux répéter? Les hommes sont moins payés que les lave-vaisselles, mais c'est quoi cette blague? Ça veut dire les hommes sont moins payés que les femmes. Oh, mais mon dieu. Oh, sale connard. Ah, mais on va le rattraper, hein. Non, G-Wolf, attends. Non, attends mais... la fin. Attends la fin. Tu vas voir. Oh non, il m'a tué. Tu vas te faire frapper à la fin. Okay. C'est ça. Faut pas le faire passer devant les caméras quand même. Alors, très bien. Merci G-Wolf. Voilà, essaie de rebondir après ça. L'actu web, ce sera retrouvé directement donc en extrait pour ceux qui n'auront pas suivi. Et puis pour ceux qui sont actuellement en live, voilà, vous avez pu profiter d'une blague misogyne offerte par Je G-Wolf. Je m'excuse. Merci ouais, G-Wolf. Ça, ouais. Et on passe tout de suite, sans transition et sans perte de temps pour éviter les plaintes, à OK que c'est. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant dans Culten Geek. LOL. Le qu'est-ce que c'est le nouveau jeu qui s'est mouché. Non mais c'est non, bon, il a rigolé. il pleure de rire presque. Je m'y attendais pas du tout qu'il sorte ça. Y'a pas un projectile là C'est une blague de mon niveau. Non mais si vous aviez vu la tête de Renata et Malice, elles se sont décomposées. Non mais j'avais pas compris. Pas compris. Ah non, moi j'avais compris la vie. Expliquer en fait. On se reconcentre. Pardon. S'il vous plaît. Voilà, le moment de blagounette est passé. Les enfants, je vous veux concentrer puisqu'il va vous falloir toute votre capacité cognitive. Le qu'est-ce que c'est, je vous rappelle les règles, donc résumé de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, etc. Et l'équipe, avec maximum 3 indices, vous devez réussir à trouver de quoi je parle. Et vous avez 3 propositions pour toute la team, hein. Donc soyez concentrés. On s'en rappelle, t'inquiète. Voici le résumé. Le système Android décide de prendre le contrôle du monde avec comme Google Home, avec un Google Home revisité qui vient chez vous vous livrer des balles dans la tête. Une histoire Terminator. Pas nette qui se... Merde. Bon bah tant pis. En fait, dès que t'as dit système Android qui a pris le contrôle du monde, c'était Terminator. Est-ce que tu veux faire une version possible pour les robots? Ouais, voilà, on fait le peut-être. Ah non non. Non, non Terminator direct avec comment elle s'appelle, Skynet qui a pris le contrôle du monde. Ouais, putain. Ouais. Vas-y, ouais. Refais une version pour les gens qui veulent y jouer. C'est ça. Non. Non. Il est dégoûté. Trop déçu, quoi. Bah écoute, Yacine. C'est quoi les indices? Les indices, c'était Schwarzy, Emilia Clarke et Sky. Oh, non, mais direct Schwarzy, enfin mec, t'as donné l'indice le plus simple dès le départ? Non, parce que j'avais pas les données dans cet ordre. Ah, ok. Ah, j'avais voilà, d'abord donné mais Sky. C'est ça, je te tu veux pas refaire une version que tu vas mettre en ligne pour Facebook, peut-être? Peut-être, mais je peux pas le refaire là, je suis dégoûté. Tu vois. Il le refera dans son coin de ses chaises. Parce que j'ai envie de l'entendre en entier, j'ai gâché le truc, mais t'as dû bosser dessus comme un malade, donc vas-y. En plus, il me disait qu'il avait pas d'idée. S'il te plaît. Non. Allez, le moment Yacine, c'est avec toi. Mais de quoi va-t-il nous parler? À ce qui paraît, tu parles de moi. On va le savoir très vite, c'est le moment Yacine. Le moment Yacine, le retour du moment Yacine. Ça y est, il a l'air heureux. Enfin. De quoi vas-tu nous parler Yacine? À vous, je vous avais manqué. Non. Non. Et toi? Allez, ciao. De quoi est-ce que j'allais parler? Moi, j'allais parler aujourd'hui d'un mot spécial connu dans l'informatique, le dématérialisé. Tout à fait. Tout le monde sait ce que c'est que dématérialisé? Non. Ça veut dire, je prends un truc qui est matérialisé et tu le dématérialises. Waouh. Du coup, il n'existe plus. Non, il est juste dématérialisé. Mais du coup, il n'existe plus. Mais bah si, ouais. Il existe. Qu'est-ce que la dématérialisation? On peut pas le toucher. Alors, en soi, la dématérialisation, c'est de créer une copie numérique d'une chose physique. Automatiquement, là, on va parler de jeux vidéo, parce qu'on a eu une petite histoire récemment qui s'est passée avec Steam, et la Fédération des consommateurs, j'oublie en fait l'Union des fédérales des consommateurs. L'UFC que choisir. Voilà. Que choisir. Et qui s'est liguée contre Steam sur le fait qu'on ne puisse pas... Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revendre nos copies dématérialisées des jeux? Azertov qui vient de nous follow, merci. Merci pour le follow. Merci. Et donc, par exemple, toi, quand t'achètes ton jeu en boutique, tu l'as en CD, etc. Le jour où t'en as marre ou t'as plus envie d'y jouer, hop, tu vas le revendre, ouais, sur le Bon Coin, Micromania, etc. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec un jeu dématérialisé aujourd'hui? En soi, même si tu l'as acheté, quand tu regardes Instant Gaming, G2A, tu peux trouver des codes sur internet. Pourquoi est-ce que nous, en tant que personne qui a acheté le jeu, on pourrait pas revendre avec des critères qui seraient pris en compte? Donc, et oui, bien, moi si je tu... sais. Vas-y. Et bien, c'est parce que quand on est sur Steam et qu'on achète un jeu, on n'achète pas le jeu, on achète les droits d'utiliser. Ouais. Le jeu en passant par Steam. Mais en soi, si tu vas revendre ton jeu, tu vas simplement supprimer ce droit, il fera plus partie de ta bibliothèque et tu pourras plus le lancer. Tu peux répéter? Ouais, mais moi là. Bon, quand tu vas vendre un jeu dématérialisé, tu vas le supprimer de ta bibliothèque, donc tu peux plus l'utiliser. Oui, mais en fait, tu n'achètes pas vraiment le jeu. Quand tu en fait, c'est ce qu'il disait, tu revends ce droit. Tu en fait, tu vas acheter ce droit, bah tu le revends. C'est en fait ce qu'il voulait dire. Et donc, au final, l'UFC a gagné contre Steam. Oh. Et on va attendre un peu la suite de ce qui va se passer parce que bon, Steam automatiquement va faire appel pour dire ouais non frère ça marche pas comme ça. Ouais. Ce qui paraît tout à fait logique parce que les mecs ils veulent pas non plus donner leur première source de revenus, ce qui ferait que des joueurs bah, vont acheter plus en occasion que sur le marché Steam lui-même. Oh, c'est logique. Même s'ils vont certainement taxer hein, que tu revends en occasion ou pas en occasion, il y aura 1 ou 2 euros qui vont passer à la trappe pour Steam, ça c'est tout à fait logique. Mais voilà, on va attendre et ça peut avoir une grosse répercussion en fait sur le marché du jeu vidéo parce que même sur console aujourd'hui, moi j'ai une bibliothèque d'une centaine de jeux sur ma PS4 en dématérialisé, ça permettrait de revendre ces jeux dématérialisés sur PS4, sur Xbox One, sur Switch, et ça serait un changement qui serait énorme. Là encore, c'est sur la zone France principalement, donc ça va toucher aussi la zone euro si ça rentre dans la jurisprudence, ouais. Et on parlera pas encore de la zone États-Unis qui eux sont toujours niqués sur ce domaine. Mais cette manière, voilà quoi. Voilà, les États-Unis pas. Quoi. Voilà. Et quand je disais dématérialisé, parce qu'on va pas non plus s'arrêter aux jeux vidéo, on va aussi parler des plateformes. Donc aujourd'hui, on a Stadia qui va être lancé bientôt avec Google. Stadia. Et Stadia. Vous avez vu la vidéo. Stadia, ouais. On va pouvoir jouer sur des consoles qui sont dématérialisées. Stadia. Je vais pas aller jusqu'au bout. Continue. Et Stadia, elle va nous proposer une bibliothèque de jeux prédéfinie. Donc on va payer un abonnement, on aura une bibliothèque de jeux, on pourra jouer en streaming. Et d'un autre côté, on a aussi le Shadow, auquel je m'étais pas du tout intéressé. Et récemment, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de streamers qui utilisaient le Shadow pour faire leur stream, de plus en plus de personnes qui l'utilisaient dans la vie courante. Et moi, pour moi, Shadow, c'était le même concept. C'était une bibliothèque, tu vas jouer dessus. Et une fois que t'en as marre, la bibliothèque va changer ou alors t'arrêtes ton abonnement. Mais en fait, c'est vraiment un PC qui est dématérialisé. Donc en gros, tu payes ton abonnement qui est de 30 euros. Tu l'as présenté. Non, le Shadow, j'en avais jamais réellement parlé. Non. J'avais parlé des plateformes de dématérialisation, mais vraiment en survolant. Mais le Shadow, j'avais jamais vraiment su ce que c'était en soi. Donc là, c'est vraiment parce un que PC. Parce que genre, quand ça commençait à faire parler de lui, je me rappelle, c'était pendant la saison 2, je crois même. Tu avais énoncé le fait que ça allait être intéressant et que ça pouvait être un peu l'avenir de. Et bah, en fait, à l'époque, le Shadow, c'était vraiment orienté jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est un concept qui va plus se permettre d'avoir ton deuxième PC à toi avec un espace de stockage, avec une sécurité, avec une carte graphique, etc. Donc à suivre. Franchement, pour l'avoir utilisé, c'est pas mal. Hein. Enfin, il y a mon copain qui l'a en fait sur son PC, alors que c'est pas un bon PC, tu vois. Et bah, franchement, ça tourne super bien. Enfin, alors que justement, il jouait pas dessus, il tu vois. Il jouait ça. Pas dessus. Ben justement, il l'a donc voilà. Il suffit d'avoir ça et j'ai en fait, tu as un PC super performant quoi. Mais après, voilà, quand on regarde, on se dit que peut-être on va partir sur un univers totalement dématérialisé avec les prochaines consoles next-gen, avec les différentes plateformes qui se popularisent. On l'a déjà passé à 8ème. Ouais. Ouais, je crois qu'on passe sur la 9ème là. 9 ou 10, ouais. Ouais, c'est ça. InChain qui dit le problème avec Shadow et Stadia, c'est que ça dépend de ta connexion, effectivement. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre un modèle sans engagement. Tu testes un mois. Si ta connexion tient la route, tu te mets dessus si ça te convient. Ouais. Et sinon, voilà, t'arrêtes complètement parce que ça sert à rien de payer un abonnement pour avoir une latence de merde. Exactement. Idée consommateur. C'est ça. Quoique, ça demande à peine 4 mégas, hein. Enfin, 4 mégas, les abonnements DSL, fibre en ce moment. DSL, tu les fais. Ça dépend. À peine si non, c'est avec fibre. Il faut vraiment que tu captes bien. Hein. Chez moi, je les fais pas. Hein. Oh, putain. Ouais, la fibre, ça dépend à certains moments. Ouais, non. Mais même pas la fibre. Du coup, Yacine, pour ce moment, Yacine, le retour du moment, Yacine. Le fameux, l'enfant prodigue est de retour. Mon Dieu. Et on fait une dernière pause en musique avant le top ou flop, l'instant nippon et le what the fuck de l'émission avec Maëlys, Renata et bien sûr toute l'équipe. Avec un nouveau titre qui libre de droit, Harry Show, Everything Will Be OK dans Cult & Geek et on revient juste après. Time keeps slipping away from you. The sins are spiraling out from under. Just close your eyes. Show Everything Will Be OK dans Cult & Geek et on revient tout de suite avec le top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. Je vous explique les règles. Je vous pose deux noms de séries, de films, de comics, de mangas, de jeux vidéo, etc. Vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop d'après sens critique. Est-ce que vous êtes prêts? Top. Est-ce que ce jeu vous a manqué? Flop. Flop. Allez, lequel est top entre un gars et une fille et scène de ménage? Scène de ménage. Un gars et une fille. Lequel est top? Lequel est top? Lequel est top? Un gars et une fille. Un gars et une fille pour... scène de ménage. Tu parles à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, oui. Ouais. Un gars et une fille donc pour Yacine et D-Wolf et Renata. Et Renata. Et scène de ménage pour Maëlys. Bah, bien, regardons les notes. Un gars et une fille est noté à 6,1. Scène de ménage est noté à 4,8. C'est donc un gars et une fille qui est top. T'as vraiment cru que scène de ménage était meilleur qu'un gars et une fille? Et plus personne ne regarde un gars et une fille. C'est normal, parce que c'est plus diffusé. Mais c'est pas, c'est du coup, mais plus même personne sur le YouTube, note. C'est de la merde. J'y regardais il y a pas longtemps, c'est pas drôle. Ah bah, pour l'époque, ça l'était. Ah bah, c'est un classique. C'était novateur. C'est ça. Attention, lequel est flop entre ces deux jeux de société, Les Aventuriers du Rail ou Colons de Catane? Les Aventuriers du tu Rail. Tu me prends par le cœur, par les sentiments. Oui, si tant que c'est pas par le cul. Oh mon Dieu. Le deuxième. L'Aventurier du Rail. Le deuxième. Le Colon de Catane pour Renata et D-Wolf. Ouais. Et D-Wolf. Les Aventuriers, moi j'ai dit. Les Aventuriers du Rail pour Maëlys et pour Yacine. Pareil, j'ai c'est dit ça, les Aventuriers du Rail. C'est pas départ. Vrai, t'as et rien à dire. Azertov, non, si, il a dit. On a Azertov sur le chat qui dit Colon de Catane top. Donc en flop pour les Aventuriers du Rail. Attends, c'était le top, hein? Non, non, c'était flop. Non, c'était flop. C'est Colon de Catane. Alors. Ok, donc je suis le seul qui dit les Aventuriers du Rail. C'est ça, ouais. Les Aventuriers du Rail est noté à 7,5. Merde. Colon de Catane, 5,4. C'était donc Colon de Catane qui est flop. Super. Yeah. Je connais pas. Entre ces. C'est une sorte bien, de risque, mais avec moins d'affrontement, c'est plus je de la négociation. Je connais aucun des deux. Il n'y a pas d'affrontement, c'est de la construction. Mais de manière, évidemment, c'est juste l'instinct avec le nom. Ouais, ça, le nom du cola, non, les aventuriers du rail, ça m'a paru merdique comme nom. Donc. Tu fais des chemins en train jusque dans l'Europe, par exemple. D'accord, dans l'Europe, dans même le jeu, en sort, quand tu cartes. Le dis comme ça, ça a l'air merdique. Non, bah il, oui, il mais bien, je raconte pas les choses. Allez, attention, entre ces deux MMO, lequel est top? Rift ou Ion? Rift, quelle hésitation, Rift. Rift, ouais. Bah c'est plus joli comme nom, ouais. Ion. Non. Moi j'aimais bien Ion, genre les graphismes avant c'était trop bien. Oui, avant c'était une nouveauté, t'avais des ailes. Mais justement, tu vois, genre avant je trouvais ça magnifique. T'as quand même osé dire top à Rift. Ouais. Ouais, par rapport à Ion. Par rapport à Ion, ouais. T'es sûr? Oui. Et personnellement, j'ai un truc contre ce mot là. Donc Rift. Donc top Rift pour Yacine, Rift pour Renata, ouais. Et Ion et Rift. Donc 3 Rift et Ion. C'est ça. Eh bien, regardons les notes. 6,4 pour Rift. 5,7 pour Ion, c'est effectivement Rift. Oups. Qui est top. Entre ces deux animés, lequel est flop? Captain Tsubasa ou Olive et Tom? Captain Tsubasa. Olive, si c'est pas ça, je pète un câble. Non, non, c'est la nouvelle version. Captain Tsubasa, c'est la version qui est sortie là, cette année ou l'année dernière. D'accord. Mais en soi, c'est la même chose. Mais oui, non, c'est la même histoire, Olive, non? Et Tom. Oui, non, mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est techniquement la même histoire. Donc en top, moi je dis Olive. Olive et Tom aussi. Olive et Tom, donc pour vous, en flop, c'est Captain Tsubasa. C'est ça. C'est ça. Pour Maëlys, Renata et Yacine. Yeah. Bah non. Je viens de dire. Mais non, mais t'as mais dit. Mais dit top. Il a demandé le flop, lui, du coup. Il a dit le top, c'est Olive. Le top, mais lui, il a demandé le flop. Donc Captain Tsubasa en flop. Il faut vous remettre. Dis ton résultat. Et tu vois, il manque lui là. Moi j'ai dit pareil que vous. Ah oui, d'accord. Donc on est tous pareil. Donc vous êtes tous sûrs que le flop c'est Captain Tsubasa. Ouais. Très bien, on regarde espère, dans les ouais. notes. Il doit faire 45 Olive degrés dans Tom, la salle. Hein. Olive et Tom noté à 5,8. Captain Tsubasa 6,6. Vous avez donc tous God faux. Damn. Et bien. Et enfin. Il devrait avoir honte. Oui, ayez honte. Et enfin, on termine lequel de ces films Disney de 2019 est flop? Ralph 2, Toy Story 4, Aladdin le remake, Dumbo le remake ou Le Roi Lion le remake? Dumbo, il est en flop. Tu peux répéter? Lequel de ces films Disney 2019 est flop? Ralph 2, Toy Story 4, Aladdin le remake, Dumbo le remake ou Le Roi Lion le remake? Non, peut-être Toy Story en fait. Je sais pas. Je vais essayer, il y en a 4. 5. Il y en a 5 cette fois-ci. J'hésite entre Dumbo et Aladdin. Moi aussi. Moi j'ai exactement le même truc. Non, Ralph il était. Ralph il était plutôt bien. Ah ouais, ouais. Bah Aladdin. Merci. Aladdin. C'est dangereux, il y a beaucoup de monde qui en parle. Non, Aladdin. Moi j'ai vu Aladdin, tu vois. Franchement, comment dire. Non, je pense sur Dumbo, perso. Ouais, moi aussi, personne n'en parle. Ça a tourné pendant un mois au ciné. Et ça s'est envolé. Vous avez choisi? Pourquoi tu rigoles? Dumbo. C'est pas ça. Qui dit Dumbo? Yacine, attends, je sais plus, Renata. Là. Très bien. Ouais. Et Maëlys. Très bien. Moi, je dis Aladdin. Aladdin. Regardons tout ça. Ralph 2 est noté à 6,1. Ok. Toy Story 4, 7,5. Voilà. Le Roi Lion, 6 tout pile. Voilà. Dumbo, 6 tout pile. Putain. Aladdin, 5,8. Okay. C'est Jewel qui remporte 7 points. Et voilà, trop facile encore. Mais ils ont. Je suis deuxième. Bien joué. Félicitations à toi, Jewel, pour avoir trouvé parmi ces 5 propositions. Bah, le c'est flop. Le seul que j'ai perdu, donc voilà. Et enfin. Je suis deuxième. Ça va être l'heure de la dernière chronique, le dernier moment, après, ah oui, c'est après moi. Le meilleur moment. Non, c'est moi le meilleur moment, d'accord. Mais c'est bien ce que. Allez, le moment de Nippon, c'est tout de suite. Ah merde. C'est l'instant Nippon dans Kulten Geek. L'instant Nippon, c'est bien sûr avec Renata qui arrive. J'ai une question avant. Tu as dit que c'était la dernière chronique. Non, c'est la dernière chronique avant le meilleur moment. Ouais. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Fais gaffe aussi, toi. Ouais. Mais par contre, t'as dit le moment Nippon, c'est bizarre, c'est l'instant Nippon. Je dis ce que je veux. Ça, déjà, c'est fait. Rien à foutre. C'est ça. Alors franchement, j'ai vraiment hésité sur quoi faire pour le premier instant Nippon de cette saison. Mm-hmm. Et finalement, j'ai choisi de présenter un anime, ce qui n'était pas arrivé depuis très très très très très longtemps. Ouais. Et je pense que cet anime, il le mérite largement. Donc je ne sais pas si vous connaissez Demon Slayer. Oui, of course. Ouais. Voilà, donc je pense que j'ai eu raison. Je crois que le nom me dit un truc, mais je ne suis pas sûre. Voilà, il est connu au Japon, en fait, sous le nom de Kimetsu no Yaiba. Et je sais que ça ne te dit rien, mais voilà. Du coup, je sais pas si tu vas voir un truc. Montre à la caméra. D'abord, je te montre à toi pour que toi tu vois si tu reconnais. Mais il voit mieux à la caméra. Mieux à la caméra. T'as pas suivi Demon Slayer? Non, ça ne me dit rien du tout. Ça te dit rien? Rien du tout. Vraiment rien du tout. Bon, bah c'est pas très grave. C'est pas grave. Tu vas apprendre. Bon, on peut le regarder sur Wakanim. Franchement, c'est un des meilleurs animes qu'ils proposent. Donc sur le site de streaming. Ouais, non. Après, ça tu peux regarder partout. Voilà. Et Demon Slayer, en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Voilà, qui, comment dire, s'appelle Tanjiro. D'accord. Et en fait, et donc le premier, je vais juste raconter le premier épisode parce que sinon ça va être du spoil. Il y a une tragédie qui arrive dans le premier épisode. Donc il a une famille sans père et avec plein de frères et sœurs, etc. Ah ouais? Et voilà, et il va s'absenter. Et il va revenir plus fort, plus dark. Non, il va revenir chez lui et tout le monde sera mort. C'est le moins dit, il est mort. Ah, voilà. Voilà, c'est la joie, la bonne humeur, tout ça. Et sauf sa sœur. Et sauf que sa sœur, en fait, elle va se réveiller et elle va s'avérer être un démon. Voilà, donc des démons qui, un peu comme genre dans Tokyo Ghoul, ils mangent les êtres humains en fait pour survivre. Oh, voilà. La vie de merde. Et il y a une seule personne en fait qui les transforme en démons. Voilà, tu la prends très vite et donc elle a été transformée en démon, mais dû au lien qu'il l'unit, on va dire, à son frère et le fait qu'elle ne l'ait pas tué, bah, elle va réussir à rester une démon gentille, entre guillemets. Donc elle essaie de ne pas tuer les gens. Voilà. D'accord. Et en gros, tous les deux, ils vont essayer de coexister, entre guillemets. Lui, il va essayer de trouver un moyen de la rendre humaine de nouveau. Voilà. D'accord. En gros, ça, c'est l'histoire de base, entre guillemets. Mais franchement, les graphismes sont assez plaisants, très colorés. Oui. Très coloré, okay. Et les effets spéciaux par contre, mais magnifique. C'est beau. Franchement, c'est trop trop beau. J'ai eu des orgasmes en le regardant. Voilà. Pas juste là. Non mais franchement, moi à chaque truc, j'étais mais même les musiques et tout, franchement, c'est super bien fait. Et genre les attaques, parce que bon, forcément, il va attaquer, il va avoir une lame. C'est un shonen. Voilà, c'est un shonen. Il faut pas se leurrer. Mm-hmm. Il va utiliser un katana pour se battre. Donc voilà. Et en fait, il va être formé, il va utiliser l'eau entre guillemets comme son élément pour se battre. Il a des techniques technique numéro 1, numéro 2, etc. Et en fait, autour de sa lame, il va avoir des vagues et des trucs. J'imagine d'eau. J'imagine en plein trop combat. Trop technique numéro 3 mais en fait, non, mais c'est quasiment ce qu'il dit. C'est un peu comme ça qu'ils traduisent, en fait. Les samouraïs ont ce qu'on appelle des mouvements, en fait. C'est quelque chose, mouvement qu'ils font avec le sabre, du coup. C'est-à-dire que c'est des techniques. Mais ils n'ont pas des numéros. Quand on... Ah mais bah, oui, c'est des appels, je sais pas, Ikawazanga. En gros, il va dire ça des noms. Technique numéro 69, femme fontaine, tu vois. Et il va faire une attaque et t'auras l'effet un peu avec de l'eau et tout. Pourquoi c'est la technique 69 ça? Parce que c'est Yassine. Ça ressemble un peu à ça, tu vois, genre. Les effets spéciaux autour de la lame. Il faut montrer à la caméra. Doucement, doucement. Renata, quand tu montres un truc, tu le montres d'abord à la caméra. Ichigo. C'est ça, Ichigo. Le gars qui est roux. Tu parles de Bleach. Ouais, ça n'a rien à voir, mais d'accord. On voit pas très bien, mais c'est bon. Non, mais voilà. Le style graphique est très très intéressant sur cet anime. Franchement, c'est super plaisant. Donc voilà, et franchement, j'ai été super surprise. Genre, j'avais pas vraiment prévu de le regarder parce que. J'avais d'autres choses à faire. Voilà, non, mais ça me disait rien en fait. Et vu que j'étais pas sur Wakanim, bah voilà. Et en fait, j'ai pris un abonnement juste pour le regarder. Et j'ai pas pu décrocher en fait jusqu'à la fin. Et c'est un des rares animes c'est pas que fini j'ai. Encore. Non, mais justement, c'est un des rares animes que j'ai commencé alors qu'il est pas terminé. Parce que d'habitude, ça m'insupporte d'arriver à la fin et t'es là. Il te laisse sorti un cliffhanger dans 3 de. Ans. Non, mais il te laisse un cliffhanger de merde et t'es là. Tu sais pas quoi faire. Voilà. Ben, moi, je déteste ça. Ça m'est arrivé avec plein d'animes et du coup, je le faisais pas. D'ailleurs, et pour lui, je l'ai fait. Vu le succès D'accord. qu'a eu l'anime, le manga avait été produit une première fois en 2012 et qui a fait un gros flop. Donc, c'est ils ça. Ont arrêté. C'est ça. Et là, ils l'ont repris. Ouais. Et là, ils ont repris avec la. Ils ont le repris le manga l'anime. Et il va être publié en France également. Genre, ouais. Ça a été décidé chez Panini, quelque chose comme ça. Voilà. Enfin, pour vous montrer et ils s'attendent. Hein. Non, mais voilà. Non, mais je croyais qu'il y avait un truc heures, derrière, tu vois. On commence à voir la dalle. poulet fromage. Ouais. Non, mais voilà, bref. Et ils s'attendent à ce que ça devienne un manga culte si ça continue comme ça, parce que ça a vraiment été très apprécié. Moyen, ouais. Moyen. Ouais. Bah, il faut pas qu'ils changent de studio, il faut pas faire comme One Punch Man. Il faut qu'ils gardent ses. On est d'accord, la saison 2, elle est. Éclatée. Voilà. Je voilà, l'ai pas vu encore. Moi, j'ai regardé la saison 1, j'ai commencé le début de la saison 2, je me suis dit, je m'arrête là. Donc les graphismes, c'est Demon Slayer, c'est bien Demon Slayer, voilà. Que tu viens de présenter. Très c'est bien. Ça. Eh bien, merci beaucoup, Renata. Bah, on je mettra t'en bien prie, sûr je vous en prie. Tous les extraits, tous les liens sur nos réseaux oui. sociaux, Facebook et Twitter. Et puis, en attendant, on va passer au the last moment, le What the fuck de la semaine. Le c'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Le what the fuck de la semaine. Il est... Ah, vous attendiez pas cette chute là. Ah, il y avait une chute là, ouais, clairement. Il est bien aimé le feu d'artifice. C'est quoi, c'était drop de mic ou drop de stylo? Ouais, non, c'était un petit pétard. Ah ouais? Ouais, enregistré à la maison, non, je déconne, trouvé sur internet, bien sûr. Ah, mais en libre ouais. de droit, toujours. L'instant nippon est passé, le what the fuck tout de suite. Le dernier moment de l'émission, c'est avec toi, Maëlys. Je sais. Que nous présentes-tu aujourd'hui? Je peux vous proposer de petits trucs sympas, du genre une écharpe pour les chevilles. Quoi? Après le bonnet pour le nez, on a l'écharpe des chevilles. Ça s'appelle des chaussettes, ça? Non, c'est des écharpes. C'est version miniature que tu enroules autour de tes chevilles. Mais c'est pour les putains de hipsters qui enroulent leurs les trucs et autour. Et j'ai pensé à ça, mais avec les collégiennes. Tu sais, qui ont le pantalon au niveau mi-mollet. Ouais, voilà, mais il y a les garçons aussi hein, qui portent les pantalons mi-mollet comme ça. Pardon? Non, je crois que vous êtes parti dans un autre monde. Pardon? Ouais, mais tu sais, quand t'as les mecs qui font des blip-plis là, comme ça, et que t'as leurs chevilles qui apparaissent. Attends, je mets la caméra. Et bah, ils ont fait. Ouais, voilà. Attends, remonte. Quand tu remontes, c'est comme ça. Attends, il y a la tête de G-Wolf qui. Voilà. J'ai des bottes, ça sert à rien. Voilà, comme ça. Et ils ont fait des écharpes à cheville que tu vas mettre pour effectivement ne pas avoir froid. Parce que c'est une mode de merde. Mais c'est débile. Mais c'est con. Mais enfin, juste baisser le pantalon. Mais oui, mais c'est ça. C'est aussi pour les mecs qui remontent leur pantalon au-dessus des chevilles en hiver. Souvent, si tu fais ça, c'est pour qu'on voit tes chevilles. Non, c'est juste un effet de mode. Mais ouais, voilà, c'est mais genre, parce que moi aussi je l'ai fait, mais c'est pour qu'on voit mes filles, genre. Mais non, moi c'est juste parce que. Il y a des mecs qui font ça. Genre, moi en hiver, impossible, je fais ça, tu vois. Eux en plein hiver, ils ont leur manteau, tout ça, mais ils ont ça qui apparaît au niveau des chevilles. Après, j'avoue, moi je le fais parce que mes pantalons sont trop grands. Mais pas dans le Nord. Je le fais parce que mes pantalons sont trop grands, c'est tout. Hein. Moi aussi. Tout le monde a une justification, hein. C'est un petit peu comme la télé-réalité. Non, mais je regarde parce que juste pour critiquer. Non, ça c'est des excuses. Voilà, ça, ne cherchez pas des excuses, cherchez pas. Le mieux, c'est vous le faites, assumez. C'est de la merde. Oh, j'ai une idée de génie, les gars. Vous parlez. Ouais. Hein? C'est passé à la radio, j'avoue, mes infos sont bonnes. Il y a Yacine cette qui semaine. Essaie de piquer un truc, non? Non, c'est mon téléphone. Je suis en train de le remettre en place. Mais je le jette. Allez, c'est curieuse. Un bracelet que tu prends en soirée, tu le mets, tu recharges régulièrement avec de nouveaux filtres. Et le but, c'est qu'il va analyser ta sueur. J'ai failli ne pas le dire, celui-là, pour savoir si t'as bu trop d'alcool. D'accord. C'est génial, c'est-à-dire si t'as bu trop d'alcool, tu peux pas prendre le volant, il s'allume en rouge et il se met à sonner. Alors, il y a un truc qui existe depuis des années, ça s'appelle un éthylotest. C'est un petit truc comme ça, tu peux souffler dedans, je te promets. Hein. Oui, tu souffles dedans. C'est électronique. Ouais, mais là c'est même pas électronique, c'est-à-dire qu'il tombe même pas en rate de batterie, tu vois le truc. Tu souffles dedans, ça change de couleur et ça dit si tu peux prendre le volant ou pas, t'as vu. Mais je pense que c'est censé te dissuader un peu, genre, non? Si, oui. C'est le but de tout. Hein. En général, les trio-tests, tu vas souffler, mais comme tu louches, tu vas pas pouvoir voir ce qu'il te dit. Quand t'es bourré, t'as pas le réflexe de souffler dedans. La plupart des gens, ils s'en foutent du résultat. C'était éthylotest. Oui, en vrai, la seule fois où j'ai utilisé un éthylotest, c'était juste pour le fun, alors que j'ai même pas le permis, je connais pas. Je voulais voir la couleur jusqu'où j'étais bourré. Est-ce que je peux prendre le métro? J'en ai un, je l'ai jamais utilisé. Pourtant, il est électronique et tout, génial. Moi, à chaque fin de soirée, à ta place, je souffle dedans juste pour voir à quel point je suis bourré. Tu sais, je me note les records. Allez, 8,2. Yacine, l'alcool est à consommer avec modération, hein, oui. On l'oublie pas. Ouais. Après, tout le monde sauf Yacine, apparemment. J'ai deux derniers petits trucs. Vas-y. On a des manettes, nouvelle génération, mais pas comme on l'attend. C'est-à-dire, c'est des gars, des joueurs, ils en ont marre des manettes standards, ils vont prendre des patates, ils vont les brancher entre elles et ils jouent avec des patates. Oh, j'ai vu déjà, ouais. On n'a pas que des patates, on a. Avec sa voiture est devenue une console. On a un tapis de danse pour un jeu de combat. Et un spécial Japon, il joue avec ses fesses. Quoi? D'accord. Attends, c'est-à-dire, il s'est mis. Le mec, il lâche un twerk pour faire un token, t'as vu? Il colle ses fesses dans la machine, apparemment, faut taper sur ses fesses pour avoir une action. D'accord. Ok, ça me rappelle manga, alors, ça. De ce qu'on dit, Rocco Siffredi est le ça champion de cette bizarre, catégorie de manette. Non, mais lui, c'est une autre manette. Dernier petit truc franchement cool. Vas-y. On a Aya Nakamura qui, pour annoncer sa sortie de son sa nouvelle musique, je sais plus comment on dit, arrête de chanter, qui s'appelle Soldat, elle a envoyé des colis à ses fans. Donc deux colis. Un, il y avait un marteau parce que la personne avait dit en commentaire, si Aya sort soldat, je casse un mur. Elle a envoyé un marteau en disant bon courage pour les travaux. D'accord. Et deuxième colis, une boîte de mouchoirs parce que Aziz, c'est quand Aya, elle sort soldat. Bon, elle parle pas français à personne. Ouais. Aziz, c'est quand Aya, elle sort soldat que je déprime un peu. Et elle lui a dit bon courage. Ok, d'accord. C'est le coup de com' le plus merdique. Ah ouais, mais c'est cool. Quand est-ce que tu reçois les colis de toi? Bah, ouais, franchement, recevoir un colis d'Ayak Nakamura. Non. J'en aurais rien à foutre. Ouais. Ça, je le renvoie, moi, je pense. Mais non, mais, vous êtes con, vous le revendez. Non, oui, mais, non, mais voilà, des... mais en soi, je le garderai pas, tu vois. Elle, elle fait des bonnes musiques, mais pourquoi en envoyer que deux et que. Pardon. Blablabla. Mince, Renata, on a perdu ton micro. Ah là là, c'est dommage. Il a coupé pour de vrai. Arrête, il y a des musiques qui passent, franchement. Enfin, c'est écoutable. Non, mais. Non. Attends, laisse-moi finir. Mais pourquoi en envoyer que deux? Moi, je m'en fous. Après, je trouve pas notre style. C'est une sélection de commentaires sur les meilleurs commentaires de sa vidéo. Et qui ont fait et que. C'est, et c'est ça les meilleurs. Est-ce que vous écoutez la musique d'Aya Nakamura? Vous répondez sur les commentaires du live Twitch actuellement. Il suffit d'enlever son cerveau pour pouvoir écouter. Oh mon dieu, mais ceux qui écoutent Aya Nakamura, ils écoutent Jul aussi. Donc. Non. Si. Non. Si, si. Non, non elle écoute pas Jul. Non. Oh, l'info que j'ai préférée quand même, c'était l'écharpe des chevilles. On pourrait parler plus de ça qu'autre chose. Moi, j'ai beaucoup aimé les manettes. Allez, on va s'arrêter ici. L'émission Cult & Geek numéro 2 de cette saison 4 s'arrête ici. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, le Tipeee et bien sûr rejoindre le Discord où il y a G-Wolf en permanence. On ne sait pas comment il fait. Il a pas de vie, miskin. On sait pas. On sait pas. Ah mais il a vraiment pas de vie, le pauvre. Waouh, wow, merci. Il est tout pas. Le temps. Donc voilà, vous pouvez lui parler tout le temps. Merci à nos diffuseurs Radio No Life, Bad Geek, La VG Radio, Spotify, iTunes, PodCloud et Play Geek. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ciao.